Question 3. Dans cette situation, je cède le passage au bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse le cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D.